Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. La saison de hockey mineur s'en vient à très très grand pas. Les arénas sont déjà pas mal. Il y a certaines arénas déjà ouvertes et ça a sorti en juin, mais je voulais quand même lui parler avec. Il y a une nouvelle classification d'âge au hockey mineur cette année et on va parler avec celui qui est responsable du hockey mineur dans la région, Alexandre Lallemand. Salut Alexandre. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alexandre, nouvelle classification d'âge. Parle-moi maintenant de la classification. Maintenant, les nouvelles, qu'on pourrait dire, les nouvelles âges, ça va ressembler à quoi? En fait, je vais te reprendre. C'est pas une classification qui a modifié au niveau des âges. OK. C'est un critère qui a changé dans la catégorie atome. OK. Donc, dans toutes les catégories, les âges restent les mêmes. C'est juste que nous, au niveau de la Fédération de hockey Québec, dans toutes les catégories avant, à part la tombe, le premier point de sélection d'équipe de compétition, c'était le 2A. OK. Le 2B, donc du Pee-wee en montant jusqu'au midget. Et puis dans la tombe, le premier critère, c'était le 2B avant le 2A. Fait que là, nous, la Fédération a retravaillé la classification. Qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené le critère 2A en premier dans la tombe au lieu du 2B. OK. Donc, ce que ça a eu comme conséquence, c'est que notre calibre régional, au lieu d'être de la tombe 2B, va être de la tombe 2A. Donc, c'est plus fort. J'imagine qu'il y a des équipes qui vont quand même, qui vont avoir, qui risquent de pas être compétitifs, non? En fait, ouais. Nous, on a fait une rencontre avec nos hockey mineurs au printemps. Il faut comprendre que peut-être à 80-85% du temps, on joue une saison régulière entre nous dans la région. Donc, ouais. On porte l'appellation 2A ou 2B. Ça change rien. Une saison régulière, ça a pas d'importance, tout à fait. Okay. Oui, ça va venir modifier un petit peu. C'est lorsque nos équipes vont participer à des tournois et lorsqu'ils vont participer au championnat provincial. Où là, à ce moment-là, effectivement, là, il va y avoir peut-être plus d'opposition qu'ils nous ont déjà eu dans le passé. Mais en même temps, c'est un critère provincial. Donc, toutes les régions ont dû s'ajuster. Fait que nous, on était chanceux. Là, on pouvait faire du 2B avant de faire du A dans la tour. Okay. Mais maintenant, on doit se conformer à l'ensemble de la région. Donc, c'est principalement le gros critère qu'on a eu dans notre région au niveau de la classification. Dans les années antérieures, exemple dans le Pee-wee, nous, au niveau des bassins, sur 10 équipes, on en avait toujours 2 qui auraient dû jouer dans le 2A puis 8 dans le 2B. Mais là, nous, ce qu'on fait, on les sous-classait, ces équipes-là, pour jouer toute l'année dans le 2B. Ça va être encore le cas, ça va être encore possible, là, parce qu'on n'a pas de ligue 2A. Okay. Et là, au niveau de la tombe, ben, comme la ligue est 2A, ben, à ce moment-là, la ligue régionale va changer d'appellation. Puis c'est une adaptation qu'on va vivre dans, on va vivre une première année. Puis on sera en mesure par la suite, là, avec nos hockey mineurs, là, puis les gens sur le terrain, là, d'un peu d'avoir les commentaires, puis voir ce qu'on peut faire là, pour bonifier l'expérience. Puis ça ne change rien du côté des règlements là-dessus. Là. Il n'y a absolument aucun changement là-dessus. Non, tout à fait. Vous okay. Avez raison. Je veux dire, les âges ne changent pas, les appellations de catégorie ne changent pas. Le midget reste toujours de 15 à 17 ans. Donc, il n'y a rien qui a changé au niveau des âges. Des âges, c'est vraiment juste. La catégorie de lettres là, dans notre atome qui passe d'une ligue 2B à une ligue 2A. OK. Tu t'attends-tu à une grosse saison? Tu t'attends-tu du côté du hockey mineur au Saint-Lac-Saint-Jean? Bien, c'est sûr qu'on a vu au printemps la création de deux structures. Ben oui, c'est scolaires. Ça. OK, je t'emmenais là-dessus. Là. Je t'emmenais là-dessus, mais vas-y. Tu m'as devancé. Oui, tu m'as devancé. On a vu l'arrivée de deux structures scolaires. Faut comprendre que nous, hockey Saint-Lac-Saint-Jean, notre devoir de développement du hockey, ça fait autant au civil qu'au scolaire également. Là. T'sais, c'est des jeunes qui font du hockey, qui restent dans la discipline du hockey sur glace. Donc, nous, on a un travail à faire avec les structures scolaires et on a un travail à faire au niveau des structures civiles également. c'est sûr que cette réalité-là va peut-être amener dans des secteurs où il y aurait peut-être une interruption de service pour une année ou deux, peut-être surtout dans les catégories peut-être Bantam, qui risque d'être plus touché un petit peu. Mais nous, ce qu'on a fait là, avec nos associations d'hockey mineur, on est au courant qu'il va y avoir des impacts. On va regarder après l'an 1 comment ça va se placer. Mais c'est sûr que le hockey, soit scolaire ou soit civil, ce sont des jeunes qui participent au sport sur la glace. Fait que nous, on a un travail à faire là. On est conscient que ça a un impact, puis on va le vivre. Puis on travaille aussi avec le RSEQ là-dedans aussi pour s'assurer que oui, il y a du hockey scolaire, oui, il continue d'avoir du hockey double lettre, puis il risque d'avoir du hockey simple lettre encore. Le simple lettre risque d'être peu touché par cette donnée-là. On est conscient que c'est plus le double lettre. Il risque d'avoir peut-être un peu moins d'équipes dans certaines catégories, mais on est encore conscient que il va avoir un niveau de jeu, puis qu'il va encore avoir un service qui va être donné là, au niveau de cette catégorie de joueurs-là. Mais Alexandre, l'avenir est là-dedans, pareil. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, de la manière, parle aux intervenants, beaucoup disent que c'est le hockey, ça s'en va dans les écoles, c'est peut-être là que ça s'en va, il y aurait moins d'histoires d'entraîneurs, tu sais, souvent c'est des entraîneurs. Quand on dit l'avenir est là-dedans, moi, attention, parce que si on veut que là, présentement, on a quatre structures de hockey, qui vont évoluer en D1 et D2. Si on veut que nos quatre structures soient en santé, qu'ils puissent évoluer dans du hockey de compétition, mais il faut leur permettre d'avoir des équipes compétitives. Si on décolle avec 7, 8 puis 10 équipes de D1 et D2, ben là, on enlève l'aspect de compétition, on fait du hockey, faire du hockey, mais le but, là, c'est du hockey de très haut niveau, qui est juste en bas du hockey 3. Donc, le but, c'est d'avoir du hockey de compétition. C'est pour ça que, oui, un produit, oui, il y a une demande. Est-ce que tous les joueurs sont de calibre à évoluer dans ce circuit-là? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a de très bons joueurs. Les équipes vont avoir de très bonnes équipes. Puis nous, notre objectif, c'est que s'assurer que le bon joueur joue en bonne chaise. Ouais. C'est pas de rendre service à personne de décoller des équipes de deux partout. Puis qu'il n'y a pas de volume de joueurs pour que l'équipe soit compétitive. Là, on pense qu'on a quatre structures qui ont été implantés. On a une super belle structure 3 qui est placée. On a quatre structures en dessous au niveau du scolaire. On a du double lettre qui se place et on a du simple lettre. Nous, on pense qu'on est près d'un équilibre entre les structures. Mais par contre, Alexandre, là-dessus, oui. Ce que je te dirais, c'est que quand je te dis que l'avenir est là-dedans, c'est toujours la même histoire. En tout cas, peut-être moins au Saguenay parce qu'il y a plus de monde, mais au Lac-Saint-Jean, c'est souvent le père de famille qui est un des pères qui s'en va comme entraîneur-chef de l'équipe parce qu'il n'y en a pas d'autres. Je vais prendre l'exemple de Robin Mouliane. Tu le connais très bien, Robin. C'est un gars qui est un très bon entraîneur. Par contre, il est là parce qu'il n'y en a pas d'autres et c'est pour rendre service. Parce que je suis pas mal sûr qu'il s'en passerait de ça, là. Écoute, je ne mettrai pas de nom, là. Robin travaille fort dans son secteur, puis je pense que Robin est très apprécié des parents également. Puis, tu sais, tu touches sur quelque chose. On a un volume d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes dans le simple lettre. Il y a plusieurs équipes dans le double lettre. Si c'était toujours des entraîneurs rémunérés qui étaient là, ben, ça serait un sport qui serait encore plus coûteux. Là, c'est quand même un sport qui n'est pas tout à fait donné. Il y a des coûts reliés à ça. Fait que je vais parler de l'implication des parents-entraîneurs. On est conscient qu'à 95% de nos équipes dans ces réseaux-là, ben, c'est des gens qui donnent de leur temps, qui travaillent fort, qui sont supervisés par les hockey mineurs aussi. Là, faut pas non plus penser là, que les parents sont laissés à eux-mêmes. Là, je veux dire, ben, les parents-entraîneurs. Les hockey mineurs sont là. Il y a des structures pour les aider dans le développement. Il y a de la formation continue. C'est sûr que ça serait facile d'avoir des entraîneurs neutres qui n'ont pas d'affinité dans l'équipe, c'est-à-dire qui n'ont pas d'enfants dans l'équipe. Mais en contrepartie, là, ça ferait des coûts qui seraient astronomiques. Et puis, il y a une autre réalité, là. C'est des mots du bon moment, père-fils, puis mère-fils, puis père-fille, qui se fait aussi au hockey. Je veux dire, je suis conscient, là, qu'il y a certains moments où il y a certaines situations qui sont plus délicates. Versus toutes les situations qu'on n'entend pas parler, que l'entraîneur fait du bon travail, qui est apprécié des parents. C'est souvent, là, on oublie 90% de belle histoire. C'est toujours ça, hein, d'ailleurs, là-dessus, là. Du côté maintenant des arbitres, il y a eu une école de hockey, tu devais être au courant dernièrement, oui, au Saguenay, il y a eu 12 arbitres. C'est pas beaucoup, hein? Je veux dire, Justin était bien content par contre parce qu'il a pris plus le temps. Est-ce qu'au niveau des arbitres, le recrutement se fait bien dans la région pour assurer une pérennité ou c'est encore plus dur? Ben, je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, là, c'est un. Je dirais que c'est un débat de tous les instants, là, le recrutement de nos officiels. Mmh. Nous, là, on va, avec l'Association des arbitres de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on va regarder pour lancer une vaste campagne de recrutement pour aller chercher des jeunes qui sont d'âge bantam, là, pour, qui sont déjà des joueurs de hockey qui sont intéressés à donner, des parents aussi qui sont intéressés à embarquer sur la glace pour être officiel parce que. C'est une denrée de plus en plus rare. C'est une éducation qui est très, très intéressante, qui est pas toujours gratifiante, malheureusement, parce qu'on l'a dit, il y a des excès un petit peu, parfois au niveau de l'émotion des spectateurs. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Dans le cas de la clinique de Justin, on est très content qu'elle ait lieu pour la première édition. Est-ce qu'il y a encore plus d'officiels? Ben, c'est pas évident au début aussi. Là, on sait que souvent, les officiels, ce sont des jeunes hommes qui sont sur le marché du travail, des papas qui ont des vies de famille aussi. Donc, c'est pour ça que c'est une première édition. Nous, on est très contents qu'elle se soit donnée. Puis, s'il y a des gens qui seraient intéressés à avoir plus d'informations, là, sur la page Facebook et sur le site Internet d'Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un tout nouveau lien que les officiels ont créé, une nouvelle page Internet qui a été créée. Où là, vraiment tous les stages, les dates de stage sont mises. Il y a des gens qui veulent des informations aussi sur le qu'est-ce que ça prend pour être officiel en termes de matériel ou de c'est quoi l'impact aussi ou les besoins. Fait que je pense que les gens pourraient consulter la page Facebook ou Internet d'Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller sur ce site-là. OK. Alexandre, très intéressant. Au plaisir de se reparler durant l'année s'il se passe de quoi. Ça fait plaisir. Le responsable du hockey mineur dans la région, Alexandre.